clean. Rare comme un business clean. J'encaisse fort, je réinvestis. La vengeance a un goût extreme. Rare comme un business clean. Rare comme un business clean. J'encaisse fort, j'ai investi. La vengeance a un goût extreme. Différents pétards donc différentes symphonies. Reçois un ballon, je serai là pour te siphonner. Qui je t'empoche. Et différentes symphonies. Gardez vos buts, ils ont veulent pas la folie. Et j'attends pas qu'ils finissent. On préfère mourir que manger les restes. Ça vaut ton charbon car c'est pas endormant. Que tu vivras la vie de tes restes. Je t'ai senti bien, j'ai mis du Amérique. Je t'ai senti bien, j'ai mis du Amérique. Demi-tour à 6 et rien de gaffe à midi. Encore un brodé, une petite à minuit. Hey, je sais qu'il est grand l'arbre. Généalogique, de mes racines. Mais si t'es un brave, touche à une feuille et je te mets à une barre. Comme joueur de handball différent, je me sens rejeté comme Hannibal. Tellement les grecs qui diront que je suis cannibale. Non mais des braves comme joueur de handball différent, je me sens rejeté comme Hannibal. Rare comme un business clean. Rare comme un business clean. J'encaisse fort, je réinvestis. La vengeance a un goût extreme. Rare comme un business clean. Rare comme un business clean. J'encaisse fort, je réinvestis. La vengeance a un goût extreme. Emirates ou voyage holocauste. Soit tu perds, soit tu gagnes au loto. Paris la nuit, j'en ai fait tout le tour. Quand t'entends Warren au cours, cours. Je connais des mecs qui font des efforts pour pas t'allumer pour un coup d'épaule. Putain de merde, les mecs, c'est quoi ce monde? Tout part en fumée comme Porsche. Tout part en vie, donc on passe le mot. Vu d'ici, le monde n'est pas si mauvais. Pour jouer d'ici, bah, il te faut du mot. T'inquiète qu'on a capté tous tes mots. Je suis la sauna, je ne suis pas la mode. Ça fait la guerre tout comme ça fait l'amour. Tant de choses à dire, mais je n'ai plus les mots. Pour la vérité, demande au môme. Le juge a tranché, malgré l'emprise de l'alcool. Abraham, Lincoln, la société est une licorne. Je fais pas tout ça pour quelques tapes sur les épaules. Exonéré d'impôts, tout comme à Lisbonne. Rare comme un business clean. Rare comme un business clean. J'encaisse fort, je réinvestis. La vengeance a un goût exquis. Rare comme un business clean. Rare comme un business clean. J'encaisse fort, je réinvestis. La vengeance a un goût exquis. Rare comme un business clean. Rare comme un business clean. J'encaisse fort, je réinvestis. La vengeance a un goût exquis. Rare comme un business clean. Rare comme un business clean. J'encaisse fort, je réinvestis. La vengeance a un goût exquis.